Crescendoc Info, rencontre. Aujourd'hui, faisons connaissance avec Émilie Ander, coordinatrice du réseau documentaire régional Crescendoc. Mademoiselle Ander, bonjour. Bonjour. Quel a été votre parcours professionnel pour arriver au poste de coordinatrice du réseau Crescendoc? Au départ, j'avais plutôt une vocation complètement différente de la documentation. Je m'orientais pour être professeur d'histoire-géographie. Mon goût pour la recherche, la collecte d'informations, la rédaction de synthèse étaient des éléments annonciateurs de mon changement d'orientation. Plus précisément, pour en savoir plus pour ce métier, j'ai exercé quelques mois en tant qu'aide documentaliste dans un lycée afin de savoir si ce métier me convenait ou pas, et j'ai compris que c'était vraiment un métier qui me plaisait, qui était vraiment adapté à ce que je recherchais. Et c'est à ce moment-là que le comité départemental d'éducation pour la santé, le 11 mars 2002, m'a embauchée sur le poste promoteur d'information et éducation pour la santé. Et en janvier 2003, le Codex du Cher a valorisé mon poste en documentaliste. Durant ces premières années au Codex du Cher, j'ai préparé à l'INTD, Institut National des Techniques Documentaires, un DESS en ingénierie documentaire en 2 ans. Et j'ai terminé ma formation par la soutenance d'un mémoire qui s'intitulait « L'étude préalable à la mise en place d'un réseau documentaire en éducation pour la santé en région centre ». Parce que d'une part, le CODES était très impliqué dans ce projet qui était en lien avec le schéma régional d'éducation pour la santé du centre. Et ensuite, depuis 2008, mon poste a été revalorisé en tant que responsable des ressources documentaires avec plusieurs missions et en tant que coordinatrice à mi-temps du réseau Crescendoc. Présentez-nous vos activités en tant que coordinatrice du réseau et en tant que documentaliste au CODES du Cher. Je vais d'abord parler de mon poste au CODES du Cher, qui est comme mission principale de définir, proposer et mettre en œuvre, mais aussi évaluer la politique documentaire en éducation pour la santé dans le département du Cher. Voilà pour la documentation départementale. Donc en tant que responsable de la documentation au niveau régional, la mission elle est plus large. C'est plutôt définir, proposer, mettre en œuvre et toujours évaluer la politique documentaire en éducation pour la santé, mais cette fois-ci en région centre. Donc les activités sont animées en mode projet la dynamique régionale et aussi faire le lien entre le régional et le national au niveau toujours de la documentation et transmettre des compétences formées. Quelles sont les perspectives envisagées pour le réseau Crescendoc et celles envisagées pour le centre de documentation du CODES du Cher? Alors, je vais parler dans un premier temps de l'évolution du réseau Crescendoc. L'objectif de Crescendoc en 2008, fin 2008, est de mettre en ligne une base de données régionale en éducation pour la santé, mais aussi l'objectif vraiment après cette mise en ligne de la base de données est d'ouvrir le réseau à d'autres participants. Et concernant le CODES du Cher? Eh bien, au niveau, on espère des répercussions de la base de données en ligne sur l'utilisation du centre de documentation, voir un petit peu si la base de données joue bien les rôles et les missions qu'on souhaite, mais aussi l'objectif de monter des nouveaux partenariats au niveau du département, au niveau de la documentation, et aussi le souhait de valoriser les outils pédagogiques par la présentation, formation autour des outils pédagogiques que nous possédons au CODES du Cher. Enfin, parlez-nous de votre vision du métier de documentaliste. Je pense que les documentalistes doivent se saisir de cette évolution qui est en train de se créer autour des nouvelles technologies documentaires, qu'il faut qu'ils gardent son rôle de facilitateur de la circulation de l'information, comme pouvait le dire Jean-Michel. C'est vraiment le lien, mais s'il veut rester cet élément qui permet de réguler le partage de l'information, il faut qu'il s'adapte aux nouvelles technologies et qu'il les intègre complètement dans son métier, et notamment se familiariser de plus en plus avec le web 2.0 et puis voilà, enfin ne pas rester cantonné à la chaîne documentaire et plutôt voir le documentaliste comme l'interface entre l'information et les utilisateurs. Mademoiselle Ander, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à vous de m'avoir interviewé. Ce podcast a été réalisé à l'initiative de Crescendoc, le réseau documentaire en éducation pour la santé de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé du centre.